en permanence, à travers la logique qui est à la fois la logique du marché, la logique de la protection de l'écosystème. Donc c'est très illustratif. Alors, est-ce qu'on a... On peut ouvrir une discussion pendant 10 minutes, on a déjà beaucoup de retard, donc poser des questions très brèves, en précisant peut-être à qui vous les posez. L'idéal, ça serait qu'on prenne 4 questions, une pour chaque intervenant, mais je ne veux pas être trop directive non plus. Alors allez-y. Qui veut intervenir ? Oui ? Je voudrais, merci beaucoup pour la présentation. Je voudrais comprendre l'articulation entre l'article 6 et le paragraphe concerné et l'article 10 sur le mécanisme technologique. On en a déjà un peu parlé à la pause, mais je ne comprends pas. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment différent qui s'annonce sous l'article 10 ou c'est autre chose? Alors, une brève question aussi, c'est pour Christophe Krolik. Est-ce que vous avez au Canada un mécanisme d'étude d'impact sur l'environnement en général? Parce que vous ne l'avez pas mentionné, quelle est l'articulation entre le test présenté et cette analyse d'impact qui ne tient peut-être pas compte des éléments d'impact sur les gaz à effet de serre? Alors, on va continuer les questions et vous répondrez peut-être ensuite, comme on l'a fait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour... Oui? Moi, j'avais presque la même par rapport à l'étude d'impact en disant est-ce que ça va beaucoup plus loin que l'étude d'impact qu'on a déjà en France. La question que je me posais aussi. Et par rapport à Marianne, je te remercie beaucoup pour ton exposé parce que tu m'as fait un tout petit peu revoir. Mais malgré tout, il me semble qu'il y a quand même un changement de paradigme dans la notion même de marché. Donc je n'ai pas dit ce matin qu'il n'y avait plus des mécanismes dans le marché, loin de là, mais que c'était basé sur d'autres, le marché lui-même pouvait être basé sur d'autres principes comme coopération, solidarité, répartition, voilà. Mais tu l'as très bien nuancé, donc je suis très reconnaissante. Voilà. C'est un commentaire alors. Est-ce qu'il y a une question encore? Oui. Alors, je vais peut-être ajouter une brève question sur la programmation dont on a parlé au début, la planification plus exactement. Et c'est pas par hasard que je dis programmation au lieu de planification, parce qu'en réalité, ma question, c'est de savoir si on réduit l'imprévisibilité en introduisant une planification. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'imprévisibilité? Et puis, je voudrais peut-être qu'Adéline nous réponde sur l'articulation qu'elle voit ou qu'elle ne voit pas entre le TAC et ce qui a été dit sur le test climatique. Voilà. Alors, maintenant à vous d'essayer de répondre à toutes les questions en très peu de temps. Dans l'ordre où elles ont été posées, donc... Alors, merci pour ces deux questions. Il existe un mécanisme d'étude d'impact en droit fédéral, comme dans les provinces. Ça, c'est le régime général et il est comparable à celui qui existe en France. Donc, le régime d'évaluation environnementale, sur le plan climatique, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de différence avec le droit français. Ce qui est spécifique au test climat concerne, pour le moment, seulement les pipelines. Et l'avantage, c'est que l'on, au-delà du projet, l'impact climatique du projet, c'est qu'on va aller voir ce qui se passe avant. Quels impacts ça va avoir sur les activités en amont. On peut prendre, par exemple, imaginer la création d'une autoroute. On va créer une autoroute, on va analyser donc l'impact, les voitures qui roulent sur cette route. Mais si on va au-delà, en fait, l'idée qu'on pourra avoir, c'est mais qu'est-ce que ça va changer sur le comportement des personnes? Est-ce qu'il y a plus de personnes qui vont prendre la voiture pour emprunter l'autoroute? Ben, c'est ça l'objet du test climatique. On va au-delà du projet pour aller plus en amont et voir les activités que l'on va produire. Si on vous permet, par exemple, d'avoir un nouveau tuyau, un nouveau pipeline sur un territoire, est-ce que ça va créer de nouvelles activités d'exploration et d'exploitation? Est-ce que ça va les inciter? Et donc, il y a des évaluations qui sont là vraiment spécifiques, qui sont faites par le ministère de l'Environnement, et on évalue cet impact supplémentaire sur l'environnement. Donc, ça vient vraiment compléter le projet par un champ d'application qui est plus large. Oui. Alors, est-ce que l'alternative doit aussi être envisagée parce que le pipeline, finalement, ça prend la place d'autre chose, du renouvelable? Oui. Et est-ce que ça a intégré aussi dans ce test ou alors ça a lieu via l'étude d'impact? Oui. Christine, est-ce que tu veux compléter? Finalement, je me disais, cet instrument est satisfait de politique puisqu'il passe pour des vertueux. Un test climatique qui s'intéresse à l'amont, etc. Mais il satisfait aussi l'entreprise d'une certaine façon, puisqu'il gagne du temps. Et la question de fond, c'est-à-dire ne plus aller extraire, elle est écartée. Le politique, dans tout ça, la décision de dire, bah, on arrête. Alors en fait, oui. Elle est plus là, mais on va la rejoindre par la deuxième partie. Donc, ce que je peux rebondir sur ce que vous dites, c'est les alternatives. En fait, si on regarde le test climat en tant que tel, c'est vraiment très difficile de pouvoir anticiper le futur. On a du mal à anticiper le futur sur le plan économique, on a autant de mal sur le plan environnemental. Mais les alternatives qui existent, c'est notamment, est-ce qu'on va transporter par pipeline ou par transport ferroviaire? Donc, on essaie quand même d'appréhender, il y a une forte incertitude, mais en fait le résultat du test n'est pas un chiffre exact, loin de là, mais c'est plutôt une fourchette entre ce qu'on pourrait avoir avec différentes variables. Donc c'est plus une sorte de faisceau d'indices, un indice sur ce que cela va pouvoir avoir. Il ne faut pas le voir comme l'évangile, mais plutôt un élément de pondération, souple, comme on peut avoir par exemple sur la jurisprudence de l'aéroport de Vienne. Ça n'est pas le seul motif qui a basé le refus, mais on était plus sur une pondération bilan coût-avantage dans lequel on a intégré l'élément climatique qui a fait pencher la balance. Donc c'est quand même précis dans les limites de ce que l'on peut prévoir au niveau climatique. Et puis je pourrais rebondir sur ce que dit Christelle. Donc est-ce qu'on peut quand même interdire? Ça c'est le deuxième élément sur l'analyse économique du projet, c'est que le projet doit respecter l'environnement, c'est la partie environnementale du test climat, mais c'est aussi la partie économique, c'est de se dire si on crée cette infrastructure, est-ce qu'elle est rentable, est-ce qu'il y a des marchés pour accueillir ça? Et donc il faut aussi analyser les débouchés sur 50 ans, sur plusieurs dizaines d'années du pétrole qu'on va mettre sur le marché. Puis si on est capable de dire là manifestement, regarde nos objectifs, il n'y a pas suffisamment de débouchés, eh bien le projet ne serait pas d'utilité publique et donc ne pourrait pas être autorisé. Et tout l'intérêt vraiment ici, c'est un intérêt d'interprétation, c'est que tout est déjà dans la norme, on prévoit cela, mais l'objectif c'est de ne pas se baser sur des perspectives de toujours plus, mais sur nos engagements climatiques, et là ça changerait complètement la donne. Merci. Alors, je vais peut-être faire comme ça. Sur la première question de Delphine, le lien entre le mécanisme technologique et le MDT, il n'y en a pas. Il n'y a pas de lien qui est fait explicitement entre les deux articles, donc l'article 10 pour le mécanisme technologique et l'article 6.4 pour le MDD. Je pense qu'on a deux optiques de registre différents. D'abord, le mécanisme technologique qui est fondé sur de la coopération générale et qui a une vocation d'application générale, et d'un autre côté, des activités de projet, donc qui vont être du cas par cas avec de la coopération intéressée. S'il y a transfert de technologie, seul le pays hôte en bénéficiera. Je pense qu'on n'est pas dans la même démarche du tout. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de lien fait à ce titre. Au demeurant, les transferts de technologie ont été assez faibles dans le cadre du MDP. On pourrait y mettre une condition du MDD pour l'éligibilité. Bon. Sur le point des droits humains intégrés dans le MDP, effectivement, corpus qui s'était constitué, mais on ne parle jamais des trains qui partent à l'heure, on dit parler des choses négatives. évidemment, je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir être transposé, mais qui ne paraît pas avoir de la priorité sur d'autres problématiques, et notamment sur le caractère durable du projet, qui reste une prérogative du pays hôte, sans regard extérieur, donc qui risque de... Aucun projet de l'EDP, à ma connaissance, n'a jamais été refusé pour manque de durabilité. Donc, les aspects sociaux et de droits humains comptent, car le met en exergue aussi. Il souligne d'ailleurs, dans les deux sens, hein, quand on déplace des gens parce qu'on inonde des hectares et des hectares pour faire des barrages hydroélectriques, c'est effectivement une problématique qu'on doit intégrer. Hein. Mais bon, je ne suis pas sûre que ça soit malheureusement priorité. Et enfin, pour Martha, le paradigme. Alors, je n'avais pas compris. Non, mais, mais c'est vrai que maintenant que tu l'as dit, c'est évident. Moi, je pensais que tu disais que le paradigme, c'était qu'on ne fondait pas tout sur le marché. Ça, c'était ce que moi, je pensais, parce que c'était ce qui allait dans mon sens, en fait. Donc, je viens réinterpréter ton idée, qui était d'introduire, au contraire, des valeurs humanistes, et notamment de la solidarité, dans le marché. Oui, dans son conception. C'est un autre colloque, ça. Ouais. J'ai une belle ambition. Je ne suis pas sûre qu'elle soit réalisable, mais je ne suis pas d'un naturel très optimiste. Mais le mot solidarité est un mot-clé, quand même. C'est sûr. Alors, vous avez un micro qui marche, je crois. Donc, je vais essayer de répondre à votre question sur la prévisibilité. Est-ce que la qualification programmation peut être de nature à réduire la prévisibilité, si j'ai bien compris. À augmenter la prévisibilité. Oui, donc réduire la prévisibilité. Oui, oui, ça réduire l'imprévisibilité. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait de réponse simple, mais déjà, c'est vrai que dans la planification, il y a un aspect très important, c'est l'aspect des connaissances. Mmh. Et donc, en effet, peut-être que, en termes de programmation, la programmation, déjà, une chose permet en effet de connaître du moins ce qui est prévisible, ce qui est déjà une bonne chose. Et ce qui n'est pas nécessairement le cas sans ce travail justement de connaissance, d'état des lieux préalable. Et deuxième point que je n'ai pas mentionné, un point important, c'est que la planification n'est pas statique. Dans tous les documents de planification, enfin dans la plupart, il y a des mécanismes de révision réguliers, tous les 5 ans par exemple, et ça permet notamment de prendre en compte des évolutions ou de nouvelles connaissances qui n'étaient pas connues, donc pour certaines imprévisibles au moment de la première élaboration du document. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Si, tout à fait. C'est ce que je pressentais, mais sans en être certaine. Alors, très rapidement, sur l'articulation entre le test et le TAC, deux points notamment. D'une part, c'est que le test pourrait éventuellement permettre de plus facilement déterminer les parties prenantes au TAC, puisque finalement, il cible les impacts, donc il permettrait aussi de savoir qui sont les victimes, qui est véritablement à l'origine du dommage, donc qui doit discuter. Et puis, second point, et Christophe l'a évoqué tout à l'heure sur l'ajustement du comportement, le test permettrait de mieux déterminer le contenu du TAC en disant finalement comment doit avoir lieu, comment procéder à l'ajustement du comportement du transgresseur potentiel. Voilà. De l'utilité des colloques. Alors, je voudrais simplement vous remercier particulièrement les organisatrices, les féliciter pour la belle image de l'arbre. Je trouve que c'est superbe. Une petite remarque, j'aimerais bien qu'on aperçoive les vents quelque part, parce que cet arbre, il n'est pas aussi rigide qu'il n'en a l'air, en fait. J'imagine qu'il est assez flexible et qu'il reçoit des coups de vent d'un peu partout, du marché et d'ailleurs, de la sécurité, etc. Donc, je ne sais pas comment on représente les vents, peut-être des petites flèches. Enfin, j'imagine qu'à partir de l'arbre, chacun peut continuer à rêver. Alors, merci. Et il est temps de laisser la parole à celle qui va présenter les conclusions.